è Radio Alice. Tutti i compagni giù in piazza, questa è guerriglia, porco Dio. Che casino, però ci voleva. Quel bordel! Bordel, c'est nécessaire. Lavorare con lentezza, lavorare con lentezza, lavorare. Non più parole, ma calce di piombo. Quelle innocence. On ne peut pas perdre quelque chose que l'on n'a pas. Ces années-là, personne n'aurait osé prononcer la phrase avec Piazza Fontana, nous avons perdu l'innocence. De fait, c'est une phrase prononcée 30 ans après. À l'époque, nous ne nous considérions pas innocents. Nous n'avions pas connu d'innocence dans nos parcours. Nous avions plutôt vu la répression constante des luttes ouvrières et prolétaires, les massacres qui ont signé la naissance de la République et son parcours, l'appareil d'État fasciste transféré dans la République démocratique, l'accointance État-mafia qui avait écrasé dans le sang le mouvement des main-d'œuvre et des paysans. Étaient-ils innocents, les tirs à balles réelles contre les manifestations? Innocentes, les prisons maintenues dans un état égal à celle du fascisme? Était-il innocent d'avoir conservé un code pénal portant la signature de Benito Mussolini? Dans le pays, comme en Europe, il n'y avait pas de trace d'innocence. Après le massacre de la guerre, on nous a présenté l'autre scène, celle de la reconstruction. L'arrivisme égoïste, l'accaparement sans vergogne, le profit sur les morts, la bourse noire, les affamés et la surexploitation, l'enrichissement sur la peau d'autrui, la religion asservie aux riches et aux massacres, le moralisme bigot. Voilà ce que les générations précédentes nous avaient laissé en héritage. Où était l'innocence là-dedans? Lénine disait que le socialisme était le pouvoir aux soviets et l'électricité amenée dans les campagnes, et certains le représentent comme un barbare violent. Tandis que la France démocratique et civile, afin de maintenir l'Algérie sous son emprise, relaie l'électricité aux gencives et aux testicules des combattants algériens qui se battaient pour l'indépendance. Où était l'innocence? On nous a raconté, dans les familles, à l'école et à la télé, que nous, les Italiens, étions de braves gens, même quand nos petits jeunes en uniforme, drapeau en tête, étaient partis apporter la civilisation, en Libye, en Somalie, en Éthiopie, l'Abyssinie comme ils l'appelaient. Ils nous ont raconté qu'on allait y construire des routes et des écoles, enseigner la culture, pas comme les autres colonialistes qui exploitaient esclavagisme. De belles conneries. Il ne pouvait pas y avoir d'innocence. Le pouvoir cherchait notre complicité. Il nous invitait à nous asseoir à une table qui commençait à être bien imbibée de sang, de dégradation, de souffrance et d'exploitation. Beaucoup de jeunes ont accepté l'invitation, bradant leur propre dignité dans une vie faite de bon sens et d'obéissance, d'absence et de pensée critique et de voitures à gros cylindres, de carrière et d'arrogance. Nous, une partie de ces générations, avons dit non. Si nous nous sommes trompés dans quelque chose, nous nous sommes trompés en faisant ce qui devait être fait. L'humanité aurait bien besoin de ces erreurs aujourd'hui. Notre déception, qui n'est pas une lamentation, est de n'être pas parvenu à complètement retourner la table. De belles erreurs faites dans la rébellion plutôt que d'accepter la complicité des pires atrocités. Nos frères et sœurs en Allemagne avaient les mêmes problèmes, mais beaucoup plus grands. Comment peut-on critiquer la rébellion de cette considérable minorité de la jeunesse allemande, certainement la partie la plus sensible, qui assistait atterrée à une société qui se démenait pour s'enrichir tranquillement sans s'interroger sur ce que le développement économique, l'enrichissement en tant que tel, avait produit quelques années plus tôt à peine? Le même conformisme se reproduisait, le même terreau économico-politique, la même culture de l'ordre et de l'obéissance. Ces mécanismes qui avaient mis en marche les plus grands massacres et les pires atrocités que les gens romains aient jamais connues se reproduisaient sans altération. Quand, le 5 septembre 1977, Hans Martin Schleyer était enlevé par la fraction en armée rouge, puis était exécuté le 18 octobre, qui, dans la riche Europe, s'est posé la question de savoir comment le président des industriels de la plus grande économie européenne pouvait être un ancien officier SS. Les braves antifascistes, sauts des commémorations, ne s'en étaient pas aperçus. Tout comme les frères et sœurs au Japon, et ceux de la plus de la moitié de l'hémisphère, qui se sont rebellés pour subvertir ces modèles sociaux qui, un peu plus de 20 ans auparavant, avaient produit un carnage sans nom. Des systèmes totalisants régnaient partout, sous une couche de vernis de fausse démocratie, produisait les inégalités, l'exploitation, l'aliénation, et un faux bien-être en échange d'un acquiescement total. Un mouvement ne choisit pas ce qu'il fera au moment où il émerge. Il a suffi de quelques années de lutte pour reconnaître dans l'usage de la force le seul instrument valide pour faire entendre une voix. Voilà ce qu'enseignait l'insubordination ouvrière. Aujourd'hui, alors que le temps nous offre une distance critique de plus de 40 ans, nous devrions avoir le courage de reconnaître que cette partie de la jeunesse qui s'est rebellée contre le statu quo, si elle a péché par sa modération. Ero come canario innamorato, sto cuore che cantai mattina e sera. Scelta dritta, non vo' sta scetata, e mo un canto manca a primavera. Chi voglia bene non mi fa felice. Forza stancella destinata è scritta, ma i pensa che hanno ditta antica dice, non so come hanno cuore i ma sto zitta, ma sto zitta, sì, ti voglio bene. Voglio bene, tu mi fai morire. Chiagna d'amore, caro chianto mio, dinta sta testo, chianta sta racquando, schioppa una bella rosa e i pagulini. A chi m'ha fatto chiagnere ciamanna, la dico rosa mia, tu m'ha perdona, se tua scarpa sarà senza coscienza, c'è stanno ditte che m'ha da ragione, fa bene scorda e si fai male, pienza, pienza c'è buona. Ti voglio bene, ti voglio bene, tu mi fai et bienvenue sur les ondes de Radio Galère pour la 7e émission Que Casino Pero Ci Voleva, quel bordel mais c'était nécessaire, hébergé sur le créneau de Libre Débat qu'on remercie bien gentiment. Et du coup, comme tous les mois, on va parler jusqu'à 6h des luttes autonomes en Italie. Du coup, ça fait depuis octobre, novembre qu'on a commencé à faire ça, en partant de l'après-guerre. Histoire d'expliquer un peu qu'est-ce que c'est que toute cette saison de lutte qui a été très forte, d'où est-ce qu'elle venait, et pour parler un peu de toutes ces fameuses années de plomb, rien que sur le nom on aurait à en dire quelque chose, mais on n'en est pas encore là, puisque on en est à l'année 69. La dernière fois, on avait parlé du début de l'année 69, et du coup, les luttes étudiantes très fortes de 68 qui rejoignent les luttes ouvrières de du début 69 et qui en viennent autour de ce qui va être le thème de notre émission d'aujourd'hui, à savoir, à partir de l'été 69, la constitution de tout ce qu'on va appeler les groupes extra-parlementaires. Du coup, à partir de là, sortez des crayons, sortez des feuilles, prenez des notes, parce que comme... Il faudra faire des arbres généalogiques bientôt. Voilà, on a un arbre généalogique génial que vous pourrez trouver peut-être sur Internet si vous avez un peu de chance. Mais si vous n'avez pas le cœur bien accroché, ça risque de faire un bobo parce que c'est vraiment le bordel. Merci les Italiens pour ça. D'où le nom de cette émission, d'ailleurs. D'où le nom de cette émission, quel bordel. Mais et c'était aussi parce qu'on se superposait des chansons des fois. Mais ah oui, désolé pour la chanson du début. La playlist automatique nous a fait des siennes. On essaiera de faire mieux pour la suite. Il faut dire aussi qu'on a commencé en revanche de cette définition qu'on n'aime pas trop, mais on en parlera année de plomb avec canzone appassionata. Donc, pas les plombs, mais la passion de toutes ces années de lutte. Et alors, du coup, avant tout, on a commencé surtout par un texte de quelqu'un qui s'appelle Salvatore Ricciardi, qui a été militant dans les luttes autonomes dans les années 70 et qui ensuite est passé dans les Brigades Rouges. Et donc qui s'est fait un certain nombre de dizaines d'années de prison, qui aujourd'hui est dehors et qui continue à fréquenter les lieux des camarades en Italie, et, a beaucoup parlé, notamment autour de la prison. Vous pouvez trouver, il a un blog sur internet qui s'appelle Contro, comme contre en italien, Contro Maelstrom. Et Maelstrom, c'est le nom de son livre, qui est plutôt bon, moi je trouve, et que du coup je ne saurais que vous conseiller si vous lisez l'italien, parce qu'il n'existe absolument pas en français. Voilà, du coup, est-ce qu'on aurait quelque chose à dire à propos de ce début d'été Eh bien, on s'était quitté la dernière fois avec un petit débat qui avait l'air de pouvoir bien continuer. Et ce qu'on va faire, je pense, d'ici jusqu'à la fin de nos jours, d'émission au moins. Et donc, on s'était quitté sur cette rencontre qui s'est tenue pendant le juillet 1969. Notamment le 26 et le 27 juillet. Et c'était une sorte de colloque qui s'appelait Convegno Nazionale dei Comitati e delle Avanguardie Operaie, où étaient conviés un peu tous les groupes qui s'étaient formés dans les usines. Donc d'un côté, on avait ce qui étaient appelés les comités ouvriers étudiantes, et de l'autre, des groupes qui s'appelaient les comités unitari di base, CUB. Et... ces colloques, c'était à Turin. Et donc, à ce moment-là, à Turin, les groupes qui descendaient de cette première expérience dont on a parlé plusieurs fois, qui était celle des Cahiers Rouges, les Quaderni Rossi, qui, après la révolte de Piazza Statuto, donc, dont on a parlé diffusement dans les émissions qui ont précédé celle-ci, après la révolte de Piazza Statuto, donc Cahiers Rouges, c'était une expérience presque finie et qui avait donné lieu à une autre expérience qui autour d'un journal qui cette fois s'appelait La Classe. Et bon, dont le premier numéro est sorti le 1er mai 1969. Oui, et donc il faut dire que du coup, ce journal, il est sorti, il n'y a eu que 13 numéros, et il est sorti du mai, justement, à août 1969. Parce que ce qui s'est passé dans cette rencontre, comme souvent advient, c'est qu'il y a plusieurs tendances différentes qui se sont manifestées et qui se sont rencontrées, affrontées ou pas. Après, on donnait lieu à la naissance de notamment deux parmi les deux groupes extra-parlementaires plus importants dans les années à venir. L'un, c'est celui de Potere Operaio, donc qui est né aussi, qui a été constitué en tant que parti au début de 1970, mais qui est né en 1969 en tant que journal. Et donc au début, c'était un journal qui sortait chaque semaine, ensuite tous les mois, et puis il y a eu un Potere Operaio du lundi. Et on va dire, tendance de ces journaux faisait partie notamment les gens qui étaient dans les expériences du Veneto, donc comme on a parlé diffusement de Venise, Porto Marghera, Padoue, Emilia Romagna, donc Bologne et Rome, quelqu'un à Naples et Pise, je pense aussi. Je sais pas si oui, vous en avez à rajouter. Operaio, juste pour redire, Potere Operaio, ça veut dire pouvoir ouvrier. Oui. Qui était aussi un slogan qui était très utilisé à l'époque. Mm-hmm. Et oui, on citait la dernière fois, je crois, aussi cette écrit sur l'humour signé par Pouvoir Ouvrier, qui est très connu. Enfin, c'est un photo qui sur laquelle on tombe très souvent, qui dit Democrazia, il fucile, n'est-ce pas, agli operai. Donc, Democrazia, les fusils sous l'épaule des ouvriers, signé pour l'operai. Et donc, de l'autre côté, on a plutôt une tendance qui se regroupera autour du parti Lotta Continua. Et donc là, il ne nous reste qu'à discuter de quelle était la différence entre ces deux groupes. Peut-être qu'on peut continuer à... On peut faire, par exemple, écouter l'hymne de Poter Operaio, parce qu'en fait, ces groupes-là, il faut savoir qu'ils avaient tous aussi des... Enfin, pas tous, mais en tout cas, c'est les deux dont on parle, Poter Operaio et Lotta Continua, ils avaient aussi des hymnes musicaux qui correspondaient au slogan et, en une certaine mesure, à leur ligne politique aussi. Mm-hmm. Ben, oui, on peut commencer par l'hymne de Poter Operaio, sachant aussi qu'il y a une partie de notre jingle de début d'émission. Donc, comme ça, pour une fois, vous allez l'entendre par entier. C'est pas mal. Et pour les initiés, vous parviendrez peut-être à reconnaître la voix de notre cher Orestes Calzone. Bah, moi, je ne suis pas hyper sûre que ce soit sa voix. Ce qui est sûr, c'est que lui qui a écrit les paroles de cette hymne, qui notamment est sur le, par contre sur la musique de... À las Barricanas ou de la Varsovienne, selon les écoles, selon si vous préférez les rouges ou les anarchistes. Il paraît aussi qu'Orestes l'a écrit sur un bateau. Et voilà. Et qu'il avait une rage dedans. Niente operai pur di più a lavorare, ma tutti uniti siamo pronti a lottare. Non lavoro salariato, unità di tutti gli operai. Il comunismo è il nostro programma, con il partito conquistiamo il potere. Stato e padroni, fate attenzione. Nessuno, tutti o tutto o niente, è solo insieme che dobbiamo lottare, o i fucili o le catene, questa è la scelta che ci resta da fare. Compagni avanti per il partito, contro lo Stato lotta armata sarà. Non c'è da perdere, c'è un intero mondo da guadagnare. Via dalle mine, prendiamo il fucile, forza compagni alla guerra civile. Agnelli, Pirelli, Restino, Colombo, non più parole ma piogge di piombo. Stato e padroni, fate attenzione, nasce il partito dell'insurrezione. C'était l'hymne de Poter Operaio. Pour qui ne comprend pas les paroles, peut-être qu'on peut en dire quelque chose. Le refrain, oui. Le refrain par exemple, dit... comment on traduit ça ? Et dit, bah, État et patron, faites attention, né le parti de l'insurrection. Et après, je ne sais plus... Enfin... En fait, déjà, toute la chanson, est, c'est un peu un programme. Parce que Poter Operaio, en soi, se définissait comme... partie de l'insurrection. Et c'est quelque chose qu'ils disent dans la chanson, justement. Et ça prépare aussi un peu les temps à venir. Dans le sens où il y a un autre vers dans la chanson qui dit contre l'État, ce sera la lutte armée. Effectivement, oui, il y a beaucoup de gens. Oui, elle dit aussi « Préparez-vous à la guerre civile ». Ils disent « En avant, compagnons, vers la guerre civile ». C'est au-delà de « Préparez-vous à la guerre civile ». Bref, du coup, tout un programme. Et donc, c'est assez belliqueux, assez offensif. Et du coup, ça... Plus de mots, mais des plus de plombes, il faut aussi dire. Ça, c'est important. Et donc, on imagine bien rester sur son petit bateau et en train d'écrire ses paroles, une petite dédicace. Ça, il pleuvait, il a eu cette illumination. Ça doit être ça. Et donc, comme dans tous les groupes, Poter Operaio, qui était constitué de pas mal de gens, il avait diverses tendances. Alors, selon quelqu'un de Poter Operaio, à l'intérieur du groupe, ils avaient ce qu'ils appelaient la droite et la gauche. Donc, à ce on niveau, revient sur cette, question, revient de sur cette fameuse question de droite et de gauche qui, à ce niveau-là, n'a pas beaucoup de... Et c'est assez difficile de comprendre comme droite et comme gauche selon des initiatives, selon des compréhensions, en tout cas républicaines ou assembléaires, ou démocrates ou actuelles, en tout cas, de ce que peuvent être la gauche et la droite. Parce que même selon le programme révolutionnaire que chaque tendance pouvait avoir, chacune des autres tendances aurait été la tendance de droite. Bref. Dans le premier numéro de Poter Operaio, le journal, donc, sort le 18 septembre 69. Et là-dedans, on a donc la gauche, entre guillemets, qui disait que c'était le moment qu'un nouveau parti, qu'une nouvelle organisation prenne la tête d'une nouvelle avant-garde pour se préparer au conflit armé qui était aux portes et qui était sur le point d'arriver. Du coup, ça, on le retrouve assez dans la chanson aussi. Et ça, c'était une théorie, le conflit armé qui est aux portes, notamment qui était pas mal porté aussi par Feltrinelli, qui était un éditeur dont on a parlé la dernière fois, et qui, lui, a monté le premier groupe armé réellement, qui s'appelait les GAP, les groupes d'action partisane, en référence aux partisans de la guerre mussolinienne. Un groupe d'action pertinent. Hein. Et qui, du coup, a formé les premiers groupes d'action antifasciste armés clandestins. Et donc, la tendance de gauche, on va dire, entre guillemets, vraiment toujours, de Poter Operaio, était pour ça, pour construire ce nouveau parti qui irait lutter à la tête de l'avant-garde et donc des masses pour la lutte pour le pouvoir. La tendance de droite, toujours entre guillemets, était plutôt contre toute résurrection de ce parti communiste, aussi parce que le parti communiste d'Italie, comme on a déjà suffisamment fait la critique dans les émissions précédentes. Mmh. Pour ce qui est du parti communiste, cette idée de parti en général. Et l'idée du parti en général. Et donc eux, ils voyaient plutôt le monde, sur la base de leur théorie opéraïste, ils voyaient le monde comme étant une grande usine. Et que du coup, il fallait faire sortir le conflit, en gros la contradiction capital-travail, la faire sortir de l'usine pour la porter dans les villes, pour la porter un peu partout. Et donc considérer que la vie entière était soumise à cette contradiction capital-travail, même si on n'était pas travailleur dans une usine. Mmh. Et donc leur théorie à cette frange droite, entre guillemets toujours, c'était de ne pas vouloir d'alliance avec deux partis, de ne pas vouloir d'alliance avec d'autres gens, mais plutôt viser à la radicalisation du conflit à l'intérieur des mouvements et porter à la violence de masse. Et entre ces deux-là, comme dans tous les mouvements, il y a aussi un peu tout ce qui est, on va dire, le centre, entre guillemets, qui voulait allier, en gros, la structuration plus ou moins centralisée que pouvait avoir la tendance romaine, par exemple, de Poter Operaio, avec cette théorie plutôt de violence de masse et un peu plus mouvementiste, qui était plus présente en Émilie-Romagne, autour de Bologne et tout ça. Et donc, on retrouve notamment Tony Negri. Oui. Et on retrouve notamment Tony Negri. dans cette tendance centriste, entre guillemets. Oui, et je vais peut-être pour voir un peu cette. Du coup, on a dit Veneto et Bologne, c'était plutôt cette tendance-là, et Rome, c'était une tendance un peu plus centriste, mais pour voir de quoi on parle, je vous lis toujours un extrait de ce livre sur Marghera, sur la lutte à Porto Marghera, qui s'intitule « Quand les pouvoirs ouvriers ». Porto Marghera, c'est le centre pétrochimique près de Venise. Oui, dont on a diffusement parlé. Et alors là, pour expliquer un peu ce qui c'est que, par exemple, les groupes qui venaient de l'expérience de lutte à Porto Marghera portaient comme position dans ces colloques, ils disent... alors, vous, que, d'ailleurs, cette rencontre s'appelait Convegno Nazionale, donc colloque national des comités et des avant-gardes ouvrières. Donc, il s'est posé aussi une question de comment organiser tous ces groupes qui étaient en train de naître. Là, par exemple, ils disent, les groupes de Marghera, la coordination et la multiplication de ces comités ont substitué une ligne politique capable de guider les luttes et les adresser ouvertement contre l'État en tant que capitaliste collectif. Donc là, cette idée que la contradiction entre capital et travail n'est pas que dans l'usine, mais plus élargie dans la société. Tout niveau d'autonomie Et la communication entre ces niveaux s'est construite à partir de l'individuation d'objectifs revendicatifs cohérents au dessein politique de l'attaque ouvrière au plan du capital. Pour Marghera, il faut abandonner toute conception de l'organisation qui ne soit pas directement utile pour faire croître l'autonomie ouvrière, ainsi que toute conception idéologique du parti, construite sur les grands principes et non sur, les gestions, et non sur la gestion au niveau des masses des luttes. Donc, oui, il faut dire que quand même, il y avait dans les propos de pouvoir ouvrir, même dans les extraits, dans les témoignages qu'on lit de cette rencontre, il y avait quand même une idée d'hégémonie de la lutte ouvrière sur les autres luttes, mais avec une idée, disons, assez malléable de ce qui est la lutte ouvrière et de ce qui est le sujet ouvrier en tant que sujet révolutionnaire, n'est pas que strictement l'ouvrier dans l'usine. Mais c'est bien peut-être avant de continuer à approfondir cette différence entre les tendances qui se développent à partir de ces rencontres, un peu les contextes généraux dans lesquels cette rencontre se déroule. Et c'est-à-dire, on avoue, les 1969, on va voir après juillet, l'automne chaud de 1969. En fait, on a vu la dernière fois qu'à ce moment, on est dans un cycle de luttes très fortes qui, d'un côté, ce sont des luttes qui partent directement des usines, des luttes sur les salaires et sur les conditions de travail, et qui ont un espèce de cycle un peu qui retourne tous les 3 ans avec les renouvellements du contrat national qui sera fait à la fin de 1969. De l'autre côté, dans cette année-là, on a toute une série de réformes structurales qui regardent le logement, la santé, etc. Et donc, c'est là, la dernière fois, on a aussi commencé à parler de toutes ces pratiques qui se développent dans les villes, des autoréductions, dans le sens d'autoréduction des loyers, occupation des logements vides, et aussi des autoréductions pour des moyens de transport, par exemple. Et toutes ces pratiques-là qui, justement, traduisent dans la pratique ce qui doit être la lutte continue dont on parle. Mais et donc, ce qui se passe à ce moment-là et pourquoi il y a toutes ces tendances qui se forment, c'est aussi pour sortir un peu de la cyclicité de ces luttes qui sinon risquent de devenir à la fin de chaque cycle, disons, des luttes ouvrières, dans un certain sens des victoires des syndicats, même si on avoue comme toutes les luttes qui se déploient à ce moment, elles sortent de la direction syndicale, mais ça n'empêche qu'il y a toujours le risque une fois qu'un contrat a été signé et que des revendications ont été, enfin qu'il y a des petites victoires, on va dire. Il y a toujours le risque que ces luttes se dispersent ou qu'elles soient pas organisées. Donc c'est normal qu'à ce moment-là, se pose aussi cette question de l'organisation et de comment donner continuité à la lutte et comment l'organiser, on va dire. Et donc là, on lit un peu dans tous les témoignages qui se pose cette question de dire plutôt que l'organisation, on va se demander quelle doit être la ligne politique générale, disons, à donner aux luttes. D'autant que tout ça sort de toutes les assemblées ouvrières, enfin des rencontres entre les étudiants, les ouvriers de toutes les luttes passées, et qui s'étaient constituées en comité de base un peu partout. Après, quand ils avaient pris conscience de leur force en tant que personnes en lutte autonome, en dehors des organisations syndicales et des partis, et qui ont fleuri dans absolument tous les endroits, et qu'à un moment se sont dit comment est-ce qu'on peut conserver cette force-là et du coup l'organiser pour justement ce que tu disais, pas la voir retomber, faner, et du coup être soit réabsorbée par les syndicats parce que ce seraient les seules structures capables d'avoir la force de se maintenir, et que du coup c'est pour ça que le journal La Classe dont on parlait propose après les grandes luttes de juin, les affrontements du Corso Traiano à Turin et tout ça, cette rencontre des comités de base qui se fait se tenir le 26 et le 27 juillet 69, du coup. Mm-hmm. Et ce qui est assez intéressant de toute cette histoire, c'est aussi que, en fait, ce qui après deviendra l'autonomie ouvrière et toute la pensée de la réforme du travail qui commence à se constituer à ce moment-là. Et donc, qui porte. Oui, c'est vrai qu'on a vu d'un pouvoir ouvrier, donc il y avait cette tendance plutôt à se constituer un parti, mais c'est quand même. Ça restait une idée un peu hybride de parti mouvementiste et tout ça. C'est parce que c'était un mot d'ordre, en fait. C'était un mot d'ordre, oui, mais en fait, ce qui est intéressant, c'est que c'est du côté ouvrier, quand même, où bah, il y avait l'habitude à la base de l'organisation syndicale, donc une organisation carrée, hiérarchique, etc. C'est de ce côté-là qui vient la, on va dire, l'innovation de, d'une organisation plus souple et moins, bah, moins carrée, moins classique, moins hiérarchique, tandis que dans, du côté du mouvement étudiant, par exemple, et des organisations comme les parce que les comités unitaires de base qui s'étaient formés aussi dans les usines, notamment à la Pirelli de Milan, c'était aussi des comités qui rassemblaient des ouvriers et des étudiants. Mais de ce côté-là, il y a plutôt aussi dans le mouvement étudiant qui n'a pas hiérarchisé en soi très clairement, mais il y a beaucoup plus en tendance, par exemple, au leaderisme et tout ça. Et il y a des gens qui, comme on sait très bien, il y a des gens qui sont sortis de ce mouvement des 68-69 qui sont devenus, à partir de tout de suite, tout de suite après, on commençait à devenir vraiment la classe dirigeante politique. Ben, on a plein de gens aussi maintenant parmi la classe politique italienne qui vient dès ces années-là. Ben ça, donc, dans tous les mouvements, à toutes les époques, ouais, et dans tous les pays, il y a toujours des gens qui ont fait leur carrière politique dans le gauchisme, oui, mouvementiste, ou dans les organisations, peu importe, mais qui, du coup, de par leur figure de leader, se sont assurés une position visible et donc... une capacité à être récupérée extrêmement forte, et ça manque pas, hein. À chaque fois ils sont récupérés, et à chaque fois ils finissent par se séparer et à trahir les mouvements qui les ont propulsés à la tête. D'autant plus quand les mouvements s'écroulent. Parce qu'ils se sont taillés leur petite place parmi les reptiles. Et donc voilà, sympa quoi. Oui. Bah, donc vous, qu'on parle de récupération, on pourrait peut-être passer... un peu, bah, on n'a pas encore parlé de l'autre continent, ouais, par contre, c'est peut-être mieux d'abord. Mais je me sens un peu merdique parce que, au final, j'ai l'impression que la tendance de droite, entre guillemets, de Potere Operaio, ouais, ressemble au final assez, en tout cas de ce que moi j'ai pu en trouver, à un peu la ligne de l'OTA Continua. Mais bon, on verra. Continua qui veut dire lutte continue. Et en fait, l'OTA Continua, c'est un autre des gros groupes, des groupes extra-parlementaires qui va se créer à ce moment-là, aussi à ce congrès, donc en juillet 69, et face un peu à la tendance de Potere Operaio, un peu plus, disons, organisé, ou du moins qui rompt, en tout cas sur le papier, pas complètement avec une certaine idéologie plus ou moins léniniste, il y a une autre tendance qui se crée, qui refuse la tendance, disons, organisée, qui part vers une logique vraiment... quasiment purement mouvementiste, en tout cas sur le papier, puisque je pense que dans la pratique, ce sera beaucoup plus compliqué, puisque l'OTA Continua va avoir des, des positions très diverses. Sachant que selon les villes, selon les... Ouais. En fait, beaucoup de gens en fait, se sont retrouvés, surtout au début, disons que les positions étaient très proches et très influencées par l'opéraïsme, que ce soit dans Potere Operaio ou dans l'OTA Continua, qui étaient deux groupes les plus proches, et que beaucoup de gens ont conflué dans les deux, aussi par simple connaissance personnelle, parce qu'ils s'étaient embrouillés dans un bar avec je ne sais pas qui était de Potere Operaio, et du coup ils sont allés dans l'OTA Continua. Enfin, ce genre de... C'est pas forcément des oppositions théoriques ou de pratiques, quoi. On verra que par la suite, ça va bien plus avoir lieu. Mais dans un premier temps, c'est ce congrès-là que la classe du coup invite... en se présentant un peu comme un truc qui se voulait être la suite de Classe Opera. Il y a le journal précédent dont on a parlé et qui se disait que c'était ni un groupe ni une organisation, juste un journal, mais où en fait ça va mener justement à la structuration en partie, surtout de Potere Operaio et l'OTA Continua vont être plutôt ceux qui se détachent de cette structuration là et à ce moment-là. Dans cette logique là l'OTA Continua était un peu plus éclectique d'une certaine manière, et ça va se sentir à la fois dans les sujets, dans les endroits où elle s'investit, et à la fois dans les formes qu'elle prend, puisqu'elle est déjà issue de la même manière que Potere Operaio, mais peut-être d'une manière plus moins homogène, de rencontres entre ouvriers, groupes ouvriers étudiants, et de différentes villes, et au niveau des sujets qu'elle va essayer de, disons, des sujets révolutionnaires desquels elle va saisir, en tout cas qu'elle va accompagner, ça va aussi être des sujets qui sont entre guillemets un peu moins stricto sensu, centré sur le monde ouvrier. Il y a un peu cette pensée que ça part un peu moins du concept ouvriériste, enfin de la pensée ouvriériste pour construire une pensée de l'antagonisme social, quoi. Je vais juste lire un petit passage d'un extrait d'un communiqué qui a été lu lors de ce congrès, donc qui est de l'OTA Continua, qui donne un peu une idée un peu plus claire de cette conception du refus de cette doctrine un peu plus léniniste, un peu plus organisée. Donc à un moment, ils disent « La réponse à la question de l'organisation se situe toujours dans le rapport entre la lutte des classes globales et sa direction politique. Il n'existe pas de ligne politique « juste », entre guillemets, indépendante de la force du mouvement de masse. Si cela est vrai, si l'organisation n'est pas une étape mais un processus en soi, alors il n'existe jamais de moment déterminant où l'organisation est acquise, où l'avant-garde organisée se cristallise, se détache du mouvement de masse, en risquant de donner plus d'importance à sa propre logique interne, inévitablement bureaucratique, plutôt qu'à celle de la lutte prolétaire. Si le parti signifie cette cristallisation, alors nous sommes contre le parti. » Ce qui n'est pas con. Et du coup, tout comme Potter Operaio, Lotta Continua avait aussi son hymne. Et donc, après cette musique qui est très sympa, hein, c'était très bien d'entendre des textes parler de la lutte des classes avec cette musique. Donc, je monte un peu le son. Voilà, c'est fini. Bah, on aime bien les décalages des fois. Et donc, même souvent. On va écouter Pino Masi cette fois. Et l'hymne oh, de... on n'a jamais écouté Pino Masi. Et l'hymne de Lotta Continua. Braccianti e gente dei quartieri, siamo studenti, pastori sardi, divisi fino a ieri. Lotta, lotta di lunga durata, lotta di popolo armata, lotta continua sarà. On préfère quand même l'autre. Ça dépend qui. Musicalement, oui. Mais moi, je dirais le contraire. Mais bon. Ah ouais. On peut en faire en question de droite et de gauche. De toute façon, la musique. Peut-être pas. Et bref, du coup, cette chanson-là dit lutte continue, lutte dure pour la révolution. Et, sans peur. Lutte sans peur, voilà. C'est toujours bien de lutter sans peur. Et bref, au-delà de ça, donc on disait que Lotta Continua se détachait un peu du sujet révolutionnaire strictement ouvrier, dans le sens où il attachait aussi pas mal d'importance aux marginalités, en fait, au sous-prolétariat et aussi au prolétariat incarcéré, disons-le, avec une... pas au début en tout cas, mais il y a eu très vite une commission prison de Lotta Continua qui s'est formée. Qui était partout en Italie. Et qui a fait partie, dont il y avait une chronique dans le journal Lotta Continua qui sortait au début, à partir de fin novembre, ils sont sortis les Lotta Continua. Et du coup, il y avait une petite page sur du collectif George Jackson sur les luttes en prison. Du coup, George Jackson, pour la mémoire, c'est un noir américain révolutionnaire en prison aux États-Unis et qui a fini par être assassiné. Il était en prison à Soledad. Il a écrit Les Frères de Soledad, qui sont des lettres de prison. Il était très en lien avec Angela Davis et les Black Panthers à l'époque. Et donc, Lotta Continua a repris son nom pour sa feuille contre les prisons. et son inclusion du prolétariat incarcéré en prison. Mais ça, ça viendra après. Là, on n'en sait rien pas au moment de la formation. Là, on est toujours au moment du congrès de la classe C à Turin, donc au Palais des Sports, fin juillet. Et donc, au-delà de Lotta Continua et de Potere Operaio, j'espère que vous suivez. En tout cas, si vous avez écouté le réenregistrement de cette émission, peut-être que ça va être plus difficile parce qu'on a oublié de lancer l'enregistrement au début et qu'il va manquer les 20-25 premières minutes. C'est pas grave. Et du coup, au-delà de Lotta Continua et de Potere Operaio, qui sont les deux premiers groupes, il y en a d'autres qui existent aussi et qui naissent à ce moment-là, dont un groupe qui sort du Parti communiste presque directement, qui s'appelle Il Manifesto. Oui, en vrai, il ne sort pas, il se fait expulser. D'abord, ils sont encore dedans. En tant qu'Il Manifesto, ils sortent leur propre journal. Et le PC et après, les voit comme extrémistes. Et ils ont des positions inacceptables et tout ça. Et donc, ils se font expulser du parti. C'était pas prévu d'avoir des tendances différentes, quoi. Pas trop. Ouais, surtout qu'ils s'allient avec les nouveaux mouvements révolutionnaires de jeunes gauchistes. Et donc, Il Manifesto sort son journal aussi. Et il existe encore aujourd'hui. Oui. Alors que Potere Operaio finit en 76, je crois, 75 par là. Même avant, 73. Non, bien avant, je crois, en 73. Oui, 73. Oui. Et que Lotta Continua jusqu'en 74, à peu près vivante. Et ensuite, le journal reste, mais ça périclite jusqu'aux années 76, par là. Peut-être rappeler juste que Il Manifesto, ça aura un rôle un peu, disons, à côté dans toute la suite des années 70, notamment par rapport aux différentes tensions qui vont exister et qui vont s'exacerber au fur et à mesure des années. Que ce soit dans la question de la question armée, donc de se diriger vers des questions de lutte armée ou vers l'autonomie. Et Il Manifesto, on va avoir une position un peu, disons, à côté, ou pas centriste, mais du moins à côté par rapport à toutes ces tensions. Il va rester extérieur au rôle, au débat un peu strictement parlementaire de la gauche traditionnelle, mais en même temps ne va pas forcément s'intégrer à fond dans toutes ces dynamiques-là. Après, la différence, je crois que le manifeste, c'était un quotidien déjà à l'époque. Donc c'est un quotidien, donc avec toutes les différences qui peuvent impliquer être un quotidien et pas un journal qui sort toutes les semaines ou tous les mois, où tu as des articles de fond, de la théorie politique, de documentaires. Donc, il faisait quand même un peu en fonction des services aussi, dans certains cas. Et en tout cas, il faisait un peu ce lien... en tout cas de dialogue entre la gauche traditionnelle, Parti communiste et tout ça, même s'ils en avaient été exclus, et ce qu'on va appeler la nouvelle gauche révolutionnaire extra-parlementaire. Et donc, ils faisaient un peu le pont entre ces deux trucs-là. Et bien qui d'ailleurs va casser au bout d'un moment, mais bon, on verra ça par la suite. Mais et après, dans les années 80 encore, par exemple, quand un des chefs historiques des Brigades Rouges, Mario Moretti, est en prison, il y a une des principales animatrices, on va dire, du manifesto qui allait l'interviewer en prison et qui a donc sorti un bouquin d'interview avec lui qui s'appelle tout bêtement Brigade Rouge. Brigade Rosse. Ça a été traduit en français aux éditions Amsterdam, je crois. Et qui du coup, voilà, en fait, continue de s'intéresser en essayant de ne pas porter de posture morale sur le choix politique différent qu'ont fait les gens qui ont intégré les Brigades Rouges en disant qu'elle n'est pas d'accord. Mais en disant que c'était aussi un choix et qu'elle ne leur nie pas le statut de militant révolutionnaire qui s'était engagé dans une cause. Au contraire de ce que faisait le Parti communiste ou tout le reste de la gauche ou de n'importe qui disait eux, ce n'est pas des révolutionnaires, eux, c'est des fascistes ou eux, c'est des mafieux. Bref, qui leur niaient le statut de révolutionnaire et de camarades d'activistes politiques, simplement. Et donc, voilà, pour dire qu'il manifeste. Selon ces périodes et tout ça, a quand même fait ce pont un peu entre la gauche révolutionnaire et la gauche traditionnelle en étant plus ou moins. Enfin, on va dire ça. Donc on a Il Manifesto, Il Potere Operaio et Lotta Continua, qui sont déjà trois groupes différents. On en a un troisième, un quatrième, pardon, même, parce qu'après trois vient quatre, et non pas trois, qui s'appelait Avanguardia Operaia, et qui était plus ou moins l'héritage des comités métropolitains. Oui, non, comités d'unité de base, plus que l'héritier, c'est que les CUB, ils vont rester, d'ailleurs, ils existent encore aujourd'hui, les CUB, comme syndicats de base en Italie. Mais c'est, disons, l'organisation qui est majoritaire dans les CUB, on va dire, des tendances à peu près trotskistes. Et plus organisé. Et je ne sais pas ce qu'on peut rajouter sur ces groupes. Ils ne vont pas avoir autant de poids que les autres groupes dans la lutte. Ils sont toujours présents, mais ils n'auront pas autant de poids dans les luttes que Lota Continua, Potero Parejo, en tout cas. Et au-delà de ces groupes-là, évidemment, tout le monde ne rentre pas dans les groupes extra-parlementaires, tout le monde ne choisit pas de s'intégrer à une ligne politique précise ou quoi. Il y a toujours plein de gens qui restent en dehors de ces groupes qui se formalisent, du coup, qui sont extra-parlementaires, mais qui se formalisent, et qui, même certains, comme Potero Parejo, se considèrent comme ayant une logique de parti et ayant une volonté hégémonique. Et donc, tu as beaucoup de gens qui restent en dehors de tout ça, et qui sont, en gros, ce qui donnera... c'est la base de ce sur quoi va se construire l'autonomie organisée, ou ce qu'on appellera l'ère de l'autonomie. Oui, après, si on veut la grande différence, c'est la raison pour laquelle a été dit dans l'émission d'avant que l'autre continue dans un certain sens, c'était la droite du moment, c'était qu'il y a une partie de ces groupes qui, quand même, à un moment, vont se rassembler pour former un parti qui va se présenter les élections, donc qui rentre dans le jeu parlementaire, dans le jeu électoral, et du coup, Avanguardia Operaia, AO pour le coup, et une partie de Lotta Continua. Mais on est beaucoup plus tard, on n'est pas au début, dans ce parti qui s'appellera Démocratie Prolétaire. Mais ça, Démocratie Prolétaire. Et du coup, juste pour donner une idée un peu de l'évolution que font tous ces différents groupes, parce que là, on a choisi de rester plutôt sur la formation, parce qu'après, ils ont une histoire de plusieurs années, mais on en parlera plus longuement au fur et à mesure. Mais pour donner un peu une idée, Lotta Continua, ils vont avoir une histoire en montagne russe, un peu avec des périodes de grande force et de positions révolutionnaires super fortes, et des phases d'explosion totale, jusqu'à se présenter aux élections, à devenir un pseudo-parti, et à perdre en fait toute la frange la plus révolutionnaire de l'organisation, qui va, dans une certaine mesure, rejoindre les groupes armés naissants. Et l'autonomie. Et l'autonomie. Et donc, par exemple, il y a tout le travail qui était fait sur les prisons, qui va conduire beaucoup de gens qui luttaient à l'intérieur et à l'extérieur des prisons à se rejoindre dans un des groupes armés qui s'appellera les Noyaux Armés Prolétariens, les NAP, à partir de 1974. Il y a pas mal de gens qui vont passer dans Prima Linea aussi, qui est le deuxième plus gros groupe de lutte armée après les Brigades Rouges dans ces années-là, et qui, lui, naît en 1976. Et il y en a d'autres encore qui vont rejoindre juste l'autonomie organisée, du coup, en dehors des organisations. Bref. Beaucoup de la tendance, des tendances révolutionnaires de Lotta Continua vont sortir de Lotta Continua après des congrès de 72, 73 par là. Et donc à partir de là, avec cette perte de main d'œuvre, on va dire, Lotta Continua, là pour le coup, on va dire, se droitise, dans le sens où elle se parlementarise. Ouais. Et tandis que Potero Perayo, en tant que tel, il a une histoire un peu plus cohérente, un peu plus continue. Il y a un début, une fin. Et plus ou moins, tout le monde est au début, tout le monde est à la fin, même s'il y a des scissions, c'est un peu plus... Mais c'est ça qui garde aussi l'héritage opéraïste, en fait, parce que c'est un peu les mêmes gens qu'on retrouve depuis le début, depuis les Cahiers Rouges, avec notamment Alquati et, par exemple, Sergio Bologna, Toni Negri, etc., qui se retrouvent après dans l'expérience de Potere Operaio et qui se retrouvent ensuite dans l'expérience de l'autonomie ouvrière. Donc, sans continuité même physique des personnes. Et donc là, on en est encore à juillet de 1969. On a encore pas mal de mois pour terminer cette année. Mais je pense qu'on ne va pas terminer dans cette émission. Surtout parce que la fin est lourde cette année. Mais donc là, après juillet et après cette rencontre, il y aura ce que, du coup, un automne de luttes très, enfin, vrai autant chaud, des luttes notamment sur cette histoire des contrats nationaux, avec des grèves continues qui commencent à la rentrée des vacances, donc le 3 septembre, et qui se multiplie de jour en jour avec des blocages totaux de la production dans les usines principales du Nord-Ouest. Après, on en parlera plus tard dans les détails. Mais avant ça, on voulait on revient un peu à Turin et avec les grèves à la Fillette, etc. On avait parlé diffusement de la dernière fois de la bataille de Corso Traiano, je pense. Ouais, la bataille de Corso Traiano, c'est le 3 juillet 1969, une guérilla qui dure 12 heures dans les rues de Turin. Oui, et on a parlé aussi auparavant de la révolte de Piazza Statuto. Et donc, suite, toujours à Turin, un peu partout, bien évidemment, il y a des réflexions qui se développent dans les ambiances, pas que militantes, mais aussi intellectuelles, sur les thématiques de la révolte et des révolutions, après aussi les mai 68, etc. Et donc, il y a un personnage assez méconnu, mais très intéressant, qui vit à Turin et qui s'appelle Furuyezi, et qui a écrit beaucoup sur les thèmes qui croisent la révolution, la révolte et le mythe et la mythologie notamment, et qui en 69 écrit un essai qui analyse la révolte spartakiste en Allemagne et qui s'intitule Spartacus ou la symbologie de la révolte, et où il porte tout ce discours sur la révolte comme quelque chose qui... comme un événement presque mythologique qui suspend le temps, la continuité du temps historique, et qui se manifeste comme ça, comme en dehors du temps. Et donc, on va lire ce petit extrait et écouter cette chanson pour faire un moment romantique et arrêter un peu avec toute cette histoire de différenciation entre les groupes un peu chiant et un peu rigide. Oui. Donc, Furuyezi de Spartacus, symbologie de la révolte. La révolte est positive non pas parce qu'elle prépare l'après-demain, mais parce qu'elle en suscite l'épiphanie anticipée, ce qui va avec la défaite dans l'aujourd'hui. La révolte est incompatible avec la stratégie révolutionnaire, puisqu'elle n'est pas préparation du lendemain, mais accouchement de l'après-demain. On peut aimer une ville, on peut reconnaître ses maisons et ses rues, un de ses propres souvenirs, les plus reculés et les plus secrètes. Mais ce n'est qu'à l'heure de la révolte que la ville est vraiment perçue comme les hauts lieux et en même temps comme vraiment sien. Sien du moins et en même temps des autres. Sien en tant que champ de bataille que l'on a choisi et que la collectivité a choisi. Sien en tant qu'espace circonscrit où le temps historique est suspendu et où tout acte vaut par lui-même. On s'approprie une ville en s'échappant ou en avançant dans l'alternance des attaques, beaucoup plus qu'en jouant enfant dans ses cours ou dans ses roues ou en se baladant avec une fille. À l'heure de la révolte, on n'en est plus seul dans la ville. Sta nel fondo dei tuoi occhi, sulla punta delle labbra, sta nel corpo risvegliato, nella fine del peccato, nella curva dei tuoi fianchi, nel calore del tuo seno, nel profondo del tuo ventre, nell'attendere il mattino. Sogno realizzato, sta nel mitra lucidato, nella gioia, nella rabbia, nel distruggere la gabbia, nella morte della scuola, nel rifiuto del lavoro, nella fabbrica deserta, nella casa senza porta, sta nell'immaginazione. Nella musica sull'erba, sta nella provocazione, nel lavoro della talpa, nella storia del futuro, nel presente senza storia, nei momenti d'ubriachezza, negli istanti di memoria, sta nel nero della pelle. La festa collettiva sta nel prendersi la merce, sta nel prendersi la mano per tirare i San Pietrini nell'incendio di Milano, nelle spranghe sui fascisti, nelle pietre sui gipponi, stanno i suoni dei teppisti. E nei giochi dei bambini, nel conoscersi del corpo, nell'orgasmo della mente, nella voglia più totale, nel discorso trasparente. Ma chi ha detto che non c'è? Che detto che non c'è, sta nel fondo dei tuoi occhi, ma che detto che non c'è. sulla punta delle labbra. Ma chi ha detto che non c'è? Un sta nel mitra lucidato. Ma chi ha detto che non c'è? Nella fine dello stato. Ma chi ha detto che non c'è? Non c'è. Et donc ça, c'était notre aimable Gianfranco Manfredi qui aimerait bien un peu après. Mais on l'aime beaucoup, même si, à mon avis, ça fait un petit peu en riot porn antelitteram, parce que c'est cette chanson qui dit, mais qui a dit qu'il n'y a pas. Et quoi, bon, la révolte, la révolution, l'insurrection, un truc comme ça. Et puis dit. Il parle de la joie. Où est la joie? Où est la joie, oui. Et la révolution? Elle est dans l'incendie de Milan. Elle est. Petite dédicace aux camarades qui étaient au 1er mai là-bas. Comme également la lecture qu'on vient de faire d'ailleurs. Mais donc, on était à l'automne chaud. Parce qu'on disait que après cette rencontre de juillet et après cette émeute dont on a parlé diffusement la dernière fois, du 3 juillet, l'année de travail recommence avec toute une série de grèves qui impliquent presque les 100% des travailleurs, notamment dans les plus grandes usines du Nord-Ouest comme la Fiat à Turin et la Pirelli à Milan, etc. Et donc, on est dans un moment où, quand on regarde les journaux, comme par exemple Lotta Continua ou il peut être opéra de ces années-là, on voit comme ils affirment que désormais la façon dont les ouvriers entrent en grève, c'est complètement hors du contrôle des syndicats. En gros, ils disent qu'il y a des milliers de petits arrêts quotidiens en fait, qui vont ralentir la production. Et donc le directeur du personnel de la Fiat de Turin, qui est donc le plus gros complexe industriel d'Europe à ce moment-là, on va dire qu'à partir de cette année-là, de 1969, il ne se passera pas un seul jour sans qu'il y ait des problèmes sur le travail. Il ne se passera pas un seul jour sans qu'il y ait du conflit. Du coup, en fait, jusqu'en 69, il y avait tous les gens qui refusaient le travail un peu par réflexe de survie, par autodéfense. Mais là, ça devient aussi une base politique sur laquelle s'organiser. Et c'est ce qui va être repris aussi par, tout bêtement par l'autonomie dans une autre mesure beaucoup plus tard. Et donc, notamment, par exemple, pour donner une idée un peu du bordel que c'était, sur les trois derniers mai de 69, donc octobre, novembre, décembre, il y a eu plus de 13 000 personnes qui sont passées au commissariat, qui ont été arrêtées pour avoir participé à des grèves sauvages. Et donc on assiste aussi à ce moment-là à la reprise des licenciements politiques. Du coup, oui. Des licenciements de gens pour raisons politiques. Oui, parce que donc la répression, enfin, le tentative de donner en marge à cette explosion de grève par les patronats, donc Agnelli, les patrons de la Fiat, etc., c'est de donc expulser, enfin suspendre plus qu'expulser. Enfin, donc d'un côté les licenciements politiques, comme on disait, et de l'autre les suspensions aussi des ouvriers. Donc il y a des milliers et milliers de ouvriers qui pendant ces mois sont suspendus de travail à temps indéfini. Et aussi il y a par exemple les présidents de Confindustria, qui est l'association des industriels italiens. Angelo Costa, qui répète comme un mantra pendant ces mois-là, faites en sorte que les Italiens ne perdent pas l'envie de travailler. Parce qu'évidemment, ils sont un peu dans les corps, comme ça, venir cette idéologie de la refoute du travail qui circule. Mais donc, dans toute cette vague de grèves, après ce petit intervalle comme ça, après toute cette vague de grèves, on arrive à un moment assez central, qui est le 19 novembre, où il y a, parce que comme on disait auparavant, Donc d'un côté, il y a des luttes sur, qui sont directement liées à la condition ouvrière, donc au salaire, au contrat et aux conditions de travail. De l'autre, il y a aussi toutes les mobilisations qui se produisent contre les réformes structurelles. Et donc, sur la base du début de ces grandes luttes ouvrières là, de septembre et tout ça, il y a des conseils de délégués qui se montent aussi dans toutes les usines. Et il y a donc vraiment deux façons de voir ces conseils ouvriers, dans, ces conseils de délégués pardon, dans les usines. Il y en a qui disent que ça peut être un moyen d'intervenir sur l'organisation du travail et de la production pour se renforcer, pour renforcer la position des luttes ouvrières dans l'usine. Et il y a plein de gens qui disent « Non, il n'y a pas moyen, c'est n'importe quoi ». Et ils dénoncent le fait de vouloir reprendre le contrôle sur la lutte pour l'empêcher justement d'aboutir à des... De la part des syndicats, ça. De la part des syndicats. Oui. Qui pour après, l'empêcher d'aboutir à des trucs plus grands. Comme ça, après, ils peuvent revendiquer que les victoires sont dues à eux et pas à la mobilisation spontanée ou quand même indépendante, autonome des ouvriers. Et du coup, ça permet à des gens, comme on disait juste avant, de se tailler une belle place et du coup ensuite de faire carrière, soit dans la politique, soit je ne sais pas où. Et donc, par rapport à ça, il y a aussi deux stratégies de répression. Donc il y a soit frapper les avant-gardes non visibles quand elles refusent d'être récupérées, et du coup les frapper, mais quand on dit les frapper, c'est vraiment littéralement, c'est les éclater, leur péter les dents, ou alors intégrer les rebelles par, en faisant quelques concessions sur les salaires, en des trucs comme ça, et du coup il y a vraiment la répression, bah, la carotte et le bâton, hein, c'est bien connu, mais c'est quelque chose qui revient beaucoup. Et donc toutes ces manifestations-là sur à la base fonctionnent par arrêt d'un certain bout de la chaîne. Et ça, tous ces trucs-là, ils s'enchaînent. Du coup, tu as tel bout de la chaîne de production qui va s'arrêter, après ce sera l'autre, après ce sera l'autre. Ce qui fait que tout le monde ne fait pas la grève en même temps, mais personne ne peut travailler. Et donc, comme ça, ça permet que toute la chaîne soit bloquée absolument tout le temps, en subissant le moins de pénalités possible, parce que toi, tu auras fait, je sais pas, une demi-heure de grève, par exemple. Mais comme l'atelier juste avant ou juste après, il va faire aussi une demi-heure, tu pourras pas travailler non plus. Et donc, comme ça, les gens s'enchaînaient, et c'était complètement imprévisible. Et ça foutait vraiment un sacré bordel. Et donc à partir d'octobre, les cortèges vont... Il y a des cortèges qui commencent à se déplacer dans l'usine. Et du coup, ils vont aller, commencer à aller chercher les dirigeants syndicaux, les dirigeants d'ateliers et tout ça, pour les forcer à rejoindre le cortège. Ils les mettaient devant, pas attachés, quoi, mais ils les forçaient à participer pour dire, en fait, toi, en tant que directeur de syndicat, t'as absolument aucun pouvoir. Et du coup, dans ces cortèges, on en est vite venu aussi au sabotage à coups de masse des machines sur lesquelles on travaillait tout bêtement, parce que la Fiat, en tant qu'usine, en tant que telle, s'était identifiée comme l'adversaire de classe par excellence, parce que il y avait tellement de gens, il y avait 150 000 ouvriers là-bas, que même pour tout le pays, quand il y avait un conflit à la Fiat, il résonnait dans tout le pays. C'était quelque chose qui donnait un peu le ton des luttes vraiment partout. Si c'est la lutte à la Fiat, ça enclenchait des luttes partout dans le pays. Si la Fiat s'arrêtait, c'était beaucoup plus difficile pour les usines périphériques d'autres villes de maintenir le cap sans être soutenu par cette lutte de base de la Fiat qui était vraiment très grosse. Et donc, au-delà des cortèges internes, il y a bien évidemment aussi des cortèges dans les rues, avec leur lot d'affrontements, de manifestations, d'attaques de la police, de violences diffuses et variées. Voilà. Jusqu'à ce que le 19 novembre 69, du coup, comme on le disait, à Milan. Oui. Il faut dire que dans ce cas-là, ce n'était pas une grève, mais c'était une manifestation nationale pour les logements. Enfin, donc, pourquoi tu rigoles? Non, pour rien. Mais bon, et c'est dans cette grande manif que, pour la première fois, après que, on va dire, après de l'après-guerre de 1947 à 1969, la police a tué 91 personnes, ouais, et on a blessé 670. Il y a d'autres décomptes qui disent 120, d'autres 171. Bref, en tout cas, des beaucoup. Centaines de personnes. et qui d'ailleurs, pendant les derniers 20 ans, il y a eu 44 000 morts blanches. C'est comme ça qu'on appelle les morts sur le travail. Je ne sais pas si on l'appelle comme ça en français aussi. Et ben, il y a pour la première fois un flic qui meurt dans une manifestation. Il y en a qui disent qu'il a été... qu'on lui tirait des sous. Mais l'affaire, c'est pas clair. Du coup, il y a donc le flic meurt. Il s'appelait Anaruma, l'agent Anaruma. Et donc, immédiatement, vu qu'un policier meurt dans une manifestation, c'est quand même pas rien, le président de la République sort un communiqué. Qui est à ce moment-là ? Saragat. Et ce communiqué dit : le barbare assassinat du jeune agent de la sécurité publique, âgé de 22 ans, Antoine Anaruma, né dans une famille d'ouvriers agricoles, dans une des régions les plus pauvres d'Italie, la région d'Avellino, est tué à Milan, tandis qu'il accomplissait son devoir de défenseur de la loi démocratique, non seulement frappe la conscience des Italiens, mais il a un défi absurde et sauvage aux manifestations des travailleurs pour la solution humaine de l'angoissant problème du logement. Ce crime odieux doit être pour tous un appel à isoler et à mettre hors de possibilité de nuire les délinquants dont le but est la destruction de la vie. Il doit réveiller non seulement dans les actes de l'État et du gouvernement, mais surtout dans la conscience des citoyens, la solidarité de ceux qui défendent la loi et les libertés publiques. Avec ces sentiments, veuillez transmettre à la famille du défunt, si tragiquement frappée dans ses sentiments les plus chers, l'expression de ma profonde douleur et celle de toute la nation. Merci Monsieur le Président. On accuse bien évidemment les antagonistes, les extrémistes, et ainsi de suite. Et en fait, une télévision suisse était présente au moment de la manifestation et a envoyé la cassette vidéo du tournage qu'ils avaient fait. Et on voit qu'en fait, ce charmant jeune homme, Anaruma, était au volant d'une Jeep de police, donc, et qu'il a eu un accident et que sa tête a tout bêtement tapé contre le pare-brise ou contre... Bref, il s'est cogné la tête dans un accident et il est mort. Donc toute la diatribe contre les extrémistes, toute la diatribe contre les délinquants du président de la République. Bon, ça se fait encore aujourd'hui. Hein. Au final, il n'était pas très intéressé par la mort de... En tout cas, c'est très réutilisé. C'est un outil politique, hein, un flic qui meurt, même s'il s'est tout mis, il s'est mis comme un con, comme un poteau, contre un poteau tout seul. Ça reste un outil politique. Et c'est exactement ce qui s'est passé, puisque, pour le coup, les manifestants n'y étaient pour rien. Et du coup, à partir de là, il y a quand même des gens qui, dans les manifestations, ensuite, tenaient des panneaux pour essayer de rappeler un peu les chiffres des morts en manifestation. Donc, un, du côté de la police, et encore, c'est un peu un but contre leur camp, si on veut prendre cette métaphore. Et pour plus de sang du côté des manifestants et des ouvriers. Mais vu que, heureusement, face à cette répression, même mortelle, à partir de ce moment, les luttes ne vont que s'intensifier d'un côté et de l'autre aussi s'est développé même dans les lieux, maximum lieux de la répression, c'est-à-dire la prison. Donc pour introduire ce thème, on va écouter cette belle voix féminine de Gabrielle Laferri qui, dans une chanson qui s'intitule « Les Mantellate » qui parle justement d'une prison féminine à Rome. Le mantellate sotto le suore, ma Roma sta soltanto e c'è le scure, una campana suona a tutte l'ore. Cristo non c'è sta trenta ste mura, ma che parla da fa, ma che parla da fa, qui dentro c'è sta solo infamità. Carcere femminile ci hanno scritto sulla facciata del convento vecchio, sacco di maglia al posto e pistoletto, mezza bagnotta e l'acqua dentro al secchio. Le mantellate sono delle suore, ma Roma so soltanto e c'è le scure, una campana suona a tutte l'ore, ma Cristo non c'è sta trenta ste mura. ma che parla di me, ma che parlare fa? Qui dentro c'è sta solo infamità. Nell'amore abbi fede, ci hanno detto, domenica mattina alla funzione, 3 mesi che mi sveglio e che t'aspetto. 100 anni che si è chiuso e sto portone. Le mantellate so delle suore, ma Roma so soltanto e gialle scure. Donc on va parler maintenant des prisons, puisque 69, donc l'année 1969 en Italie, c'est aussi important au niveau des prisons. C'est le moment où se passe entre guillemets la première nouvelle série de révoltes qui après vont embraser tout le pays dans les années suivantes. Alors pour bien comprendre ce qui se passe donc à ce moment-là et pourquoi à ce moment-là ça se passe, il faut comprendre deux choses avant de parler des révoltes en elles-mêmes. Tout d'abord que, en fait, en dehors de la classe ouvrière, il y a une couche de la population majoritairement urbaine qui, dans les années précédentes, dans la fin des années 50, 50-60, s'est déjà prolétarisée en masse et est déjà aux marges de la légalité. C'est-à-dire que c'était souvent des petits artisans, par exemple notamment à Naples c'est particulièrement le cas, mais c'est vrai aussi dans d'autres villes, y compris dans le Nord, où des petits artisans ou des petits ouvriers de petits emplois, entre guillemets, du centre urbain, eh bien, se sont déjà retrouvés en crise structurelle, en étant mis en concurrence avec la grosse production de toutes les usines. Et donc du coup, on a déjà une population, en fait, en arrivant dans les années à la fin des années 60, qui est déjà prolétarisée et qui, du fait de ça, elle n'est pas convertible dans le nouveau système productif, elle ne peut pas s'intégrer, et bah du coup évolue aux marges de la légalité. Et donc pour cette couche de la population, la prison c'est un lieu de vie, enfin c'est un lieu par lequel elle passe nécessairement. Et donc voilà, donc c'est pour dire qu'il y a toute une population en prison qui est déjà prolétarisée au moment de 69. Le deuxième élément qu'il faut avoir à l'idée quand on parle des révoltes des prisons, c'est que suite au mouvement de 68 et de 69, il y a une masse énorme de jeunes, ou en tout cas de militants politisés, qui rentrent en prison suite à la répression, et qui de fait se retrouvent confrontés à des ce qu'on appelle des détenus communs, donc des détenus qui n'étaient pas rentrés à cause de motifs politiques ou d'activisme politique. Et du coup, il y a une grosse modification de la population carcérale. C'est ça. Il y a une grosse partie, en gros, d'individus qui rentrent dans les prisons qui sont des jeunes politisés, qui sont aussi pas forcément, en tout cas qui ne viennent pas de ce milieu en majeure partie, qui ne viennent pas de ce milieu sous-prolétaire, disons, en tout cas de gens qui sont structurellement liés avec la prison dans leur mode de vie, quoi. Et donc ça crée des rencontres, qui sont ultra fructueuses, où d'un côté les jeunes, ou en tout cas les jeunes politisés qui rentrent dans les prisons se rendent compte de l'état de vie des prisonniers, de l'état de torture chronique, qu'elle soit psychologique ou physique, des prisonniers, de leur mode de vie. Il faut savoir que les prisons à l'époque en Italie, c'était vraiment le tiers-monde d'une certaine manière. Enfin, en tout cas, c'était vraiment la dèche, quoi. Il y avait... enfin bref, voilà, c'était des conditions assez horribles. Et donc de ce côté-là, ces jeunes politisés se rendent compte de ces conditions et de fait rentre en connexion avec tous ces détenus. Et de l'autre côté, ces détenus communs, entre guillemets, se mettent à découvrir un peu une certaine manière de penser politique et qui donne en fait un certain sens, une certaine construction politique au sentiment de révolte avec lequel ils vivent de toute façon et avec lequel ils se construisent dans leur mode de vie. Puisque c'est des gens qui... structurellement, enfin dans la manière dont ils se développent, sont en permanence en état de révolte, mais ils n'ont pas de en tout cas c'est un peu une certaine position qui est critiquable par certains aspects de dire ça, mais d'une certaine manière, on peut dire qu'ils n'ont pas de visée stratégique à un renversement d'un certain état des choses. Et de cette manière-là, à partir de ce moment-là, il commence à y avoir donc, de la politisation en prison. Et par exemple, les fonctionnements... En tout cas, elle augmente. Il y en avait déjà. Oui. Et à partir de... Enfin, ça augmente à ce moment-là, et notamment... une certaine critique de fonctionnement plus ou moins mafieux dans les milieux carcéraux se développe de plus en plus. Et notamment, on peut lire... J'ai ici deux témoignages de deux activistes de l'époque. Un, d'un côté, qui était plutôt du côté jeune politisé, qui parle de son expérience en prison, et l'autre, qui était plutôt un détenu commun, et qui parle de sa rencontre avec ces jeunes politisés. Donc le premier dit « Avec les camarades, nos livres rentrent en prison. » Et soudainement, ce mécanisme d'isolement et d'individualisme qui sévissait se rompt. Nous étions infectieux. Partout où nous allions, nous faisions de l'infection sociale, politique. Quand il parle d'infection sociale, c'est donc dans les prisons et qui dispensait du savoir de la légitimité de révolte, etc. De l'autre côté, la figure de la personne qui était un détenu commun répond d'une certaine manière, même si c'est différé. Avant cette contamination, en prison, chacun était contre l'autre. Pour survivre à cet enfer, ça ne manquait pas celui qui vendait ses propres camarades en fournissant des informations aux gardes. Puis, l'étincelle. Nombreux sont ceux qui comprennent qu'il est possible de se regrouper autour d'une idée forte. Nous proposons un modèle de vie différent et nous pensons initier un processus révolutionnaire. Et donc, suite à ça, suite à toute cette politisation, il y a une série de révoltes qui explosent. Alors, les deux premières, c'est donc en 69... La première, c'est le 11 avril 69 à la prison Lenuove à Turin. Et la deuxième, ce sera à la prison de San Vittore à Milan. Et ces deux révoltes qui ont pour objectif la modification du code pénal, qui est un code pénal qui date de l'État fasciste, et une réforme carcérale d'ampleur. Pardon, le code pénal fasciste, du coup pénitentiaire, qui date de 1931, et qui du coup est signé de Benito Mussolini. Du coup, pour les gens qui n'ont pas entendu le début de l'émission, ça faisait partie des choses qu'on disait dans le texte d'entrée aussi. Et pour finir sur ce sujet des révoltes en prison, là, on ne parle que du début, puisque, entre guillemets, l'apogée, ça sera 71. Donc là, il faut se dire qu'à partir de 69, il y a des révoltes en prison qui se créent. Et comme on en a parlé déjà avant, l'OTA Continua et d'autres groupes vont commencer à créer des liens avec les détenus communs, notamment par des échanges de lettres, mais aussi par de l'activisme en prison. Il y a des gens qui vont aller faire diverses activités en prison, aussi du lien avec les familles, etc. Mais en tout cas, ce qu'il faut retenir à cet endroit-là, c'est que de la même manière que les mouvements politiques italiens de ces années-là commencent à se développer, on voit de plus en plus de types d'acteurs apparaître, et bien là, on a vraiment un acteur qui jusque-là n'était pas présent, disons de manière traditionnelle, dans les luttes politiques, c'est les prolétaires extra-légaux, d'une certaine manière. C'est cette couche qui est structurellement liée à la prison. Et d'une certaine manière, ce qui est intéressant à penser, c'est qu'on est déjà dans une situation où le sujet révolutionnaire, qui était traditionnellement, si on prend un peu l'idéologie du PC, l'ouvrier, et bien là, se décentre de plus en plus. Bah, d'autant qu'elle s'était déjà décomposée avec ça. Toute la théorie opéraïste du coup de l'ouvrier masse où la base c'était que l'ouvrier en tant que sujet révolutionnaire du coup pour lutter contre le capital doit d'abord se refuser lui-même en tant que capital, c'est-à-dire que les ouvriers en tant que force de travail sont une partie du capital et doivent se reconnaître en tant que tel pour pouvoir détruire le capital. Et donc là ça a mené à toutes les théories de l'ouvrier masse et tout ça, et ça se décompose encore, et là l'ouvrier masse à partir des années suivantes va aussi se décomposer avec notamment toute l'entrée de tout ce que tu viens de dire, tous les prolétaires extra-légaux ou le sous-prolétariat qui vont aussi se doter de leurs propres organisations d'ailleurs. Par exemple, le groupe armé, les NAP, les noyaux armés prolétaires, font partie de ce sous-prolétariat et de gens qui sortaient de l'OTA Continua, qui se sont rencontrés à travers la commission prison et tous ces trucs-là. On en reparlera dans la suite des émissions. Et donc là, on arrive sur les années... on est toujours dans l'année 69, on n'avance pas beaucoup, mais c'est parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent. Et notamment, donc, toutes les fractures, la formalisation, et notamment la formalisation de Potere Operaio, Lotta Continua, Avanguardia Operaia, elle va vraiment se prendre forme autour des luttes, et autour du rapport aux luttes de l'Otancho. Et c'est à ce moment-là que chacun de ces groupes va se doter de son propre journal. Et journaux donc, qui portent le nom éponyme des groupes. Et dont les directeurs éditoriaux vont être très très vite pris dans la ligne de mire de la répression. Autant ceux de Potere Operaio que ceux de Lotta Continua, qui du coup vont être condamnés et vont devoir changer, arrêter. Et du coup, ça fait qu'il y a beaucoup de terrains sur la répression qui vont se développer aussi. Du coup, à travers la répression directe des cortèges, à travers la répression de la presse, des gens qui écrivent, à travers la répression des tentatives d'organisation, des occupations de logements, et d'un peu tout ça, et notamment ce qui a pas mal contribué au fait que des journalistes, entre guillemets journalistes, de Lotta Continua et Potere Operaio soient virés, c'est des articles sur le flic qui est mort, Naruma, où il disait que c'était pas du tout les manifestants, je sais pas quoi, qui mettaient en cause une manipulation de l'État et tout. Et alors qu'on a bien vu avec cette cassette vidéo de la télé suisse qu'il s'était juste pris un poteau tout seul comme un grand dans sa voiture. Et donc la répression, elle passe aussi à ce moment-là par tous les groupes néofascistes qui n'ont absolument jamais disparu et qui, à partir de 1968, en fait au début de 68, ils essayaient d'être intégrés dans les mouvements et du coup de transformer l'idée de la Piazza Rossa, de la place rouge, de la rue rouge que les gens étaient en train de développer, en allant faire des manifs tout le temps, en étant présents. Eux, ils voulaient transformer ça en Piazza Nera, place noire du nom des chemises noires des fascistes. Bon, ça a très vite pas du tout marché. Hein. Et donc, ils se sont reconvertis, comme on l'a dit la dernière fois, dans les attaques de camarades, le posage de bombes dans différents lieux publics, dans des trains. Et dont l'épisode le plus célèbre et un des plus tragiques, même s'il y en a eu beaucoup d'autres, et qui en tout cas est souvent pris comme point de départ à ce qu'on a appelé les années de plomb. Et comme ce qu'on appelle la stratégie de la tension. Et à la stratégie de la tension. On va en débattre par la suite, mais par exemple, moi je trouve que ces deux définitions qui s'opposent assez, stratégie de la tension et année des plombs, parce que stratégie de la tension, c'était une stratégie mise en place par l'État et par les groupes d'extrême droite, alors qu'année des plombs, c'est une définition qui est donnée par d'autres à la saison des luttes extra-parlementaires et des luttes autonomes. Donc la stratégie d'attention prend cœur au sein des années de plomb, sachant que les deux trucs sont des définitions spécifiques. Et donc ce dont on parle, ça se passe le 12 décembre 1969, dans la banque de l'agriculture à Milan, sur une place qui s'appelle Piazza Fontana, dans le centre, où une bombe explose et va faire 16 morts. Et donc c'est quelque chose qui va profondément toucher tout le monde, de voir des massacres en pleine ville comme ça, dans des lieux publics. Et à ce moment-là, toutes les enquêtes vont s'en prendre directement au mouvement de gauche, au mouvement, quand je dis de gauche, c'est d'extrême gauche, extra-parlementaire, et notamment aux anarchistes. Et ils vont faire une rafle dans les milieux anarchistes, et il y aura un autre mort, du coup le 17e mort de Piazza Fontana, comme on l'appelle, Giuseppe Pinelli, qui du coup était un membre de la Fédération anarchiste et qui était membre aussi de la Croix Noire anarchiste, du coup une organisation internationale de soutien aux prisonniers politiques, qui notamment avait des liens avec des gens qui étaient en Angleterre et qui ont fait partie plus tard de la Angry Brigade, un groupe de lutte armée anarchiste en Angleterre, qui était en lien avec eux-mêmes, avec des groupes antifranquistes qui étaient dans toute l'Europe. Bref, donc lui va être balancé par la fenêtre du commissariat de Milan. Et bon, ça, je pense qu'on va dédier une émission entière. La prochaine émission, ce sera donc sûrement dédié à l'évolution des groupes néofascistes et à la stratégie de la tension autour de l'épisode de Piazza Fontana, dont on a encore ressorti des films récemment. L'histoire n'est pas bouclée, on va dire, mais. Mais du coup, la police accuse les anarchistes, accuse les extrémistes gauchistes, quand au final, ça vient a priori de tous les réseaux Gladio dont on a parlé, et des groupes néofascistes, notamment Ordine Nuovo et tout ça, oui. En lien avec les services secrets. Donc pour introduire tout ça, on va vous laisser et sur une chanson qui parle pour le coup de Piazza Fontana et qui est sortie beaucoup de temps après en 76, mais c'est pas grave, et qui dans les refrains dit on ne peut plus dormir parce que la lune est rouge des violences, et ben la violence donc c'est celle de la stratégie de la tension. Et vous avez la dernière justice bourgeoise est celle-ci, c'est-à-dire celle qui met des bombes Travers les bras armés des Noirs, des fascistes. Juste avant de se quitter, un petit rappel pour si jamais des gens sont intéressés par cette période de l'histoire italienne et des luttes européennes plus généralement. Le 30 mai, au kiosque, du coup 38 rue Clovis Hugues à Marseille, il y aura une discussion avec une entrevue avec Claudio Lavazza. Claudio Lavazza, qui était un activiste qui a été dans le mouvement autonome à la fin des années 70 et au début des années 80. Il a fait partie d'un groupe armé qui s'appelait les Prolétaires armés pour le communisme. Puis il est passé dans un groupe qui se dédiait à l'attaque des prisons pour libérer les camarades emprisonnés. Il a notamment fait partie des gens qui ont libéré Battisti de prison et qui lui ont permis de s'évader. Du coup, Battisti qui est exilé au Brésil, hein, toujours. Et Claudio Lavazza, suite à ça, a dû s'exiler en France, a fait des braquages de banque et continue la lutte sous d'autres formes, on va dire, avec d'autres moyens. Puis il est passé en Espagne et petit à petit il s'est converti aux idées anarchistes. Et il a fini par être arrêté sur un braquage de banque dans la ville de Cordoba, en 1996 avec trois autres camarades, qui s'est mal passé, qui a terminé en fusillade. Et fusillade dans laquelle deux flics sont mortes. Et donc voilà, le 30 mai, au kiosque, il y aura une discussion autour de son histoire, de son autobiographie, avec une intervention orale de sa part, qui sera sous-titrée, on a sous-titré son intervention. Et voilà, pour parler un peu justement des luttes autonomes en Italie et de cette période-là. Donc si jamais ça vous intéresse, le 30 mai au kiosque, 38 pardon, rue Clovis Hugues, à la Belle de Mai, à Marseille. Et ensuite, 3 juin, mercredi, toujours à la place des Libres Débats, 4h30, pour le 8e épisode de Che Casino Però Ci Voleva. En espérant que cette fois, on arrivera à l'enregistrer. Encore désolé pour les problèmes techniques. Celui-là, on ne l'avait jamais fait encore. Il se multiplie au fur et à mesure des luttes. On n'avait encore jamais fait l'oubli de l'enregistrement, mais comme ça, on le refera plus tard. À la prochaine. Au revoir. Ho sognato il mio padrone a una riunione confidenziale. Si sono levati tutti il cappello prima di fare questo macello. No, no, no, non si può più dormire. La luna è rossa di violenza. Bisogna piangere insonni per capire che l'ultima giustizia borghese si è spenta. Sulla montagna dei martiri nostri, tanto giurando su Gramsci e Matteotti, sull'operaio caduto in cantiere, su tutti i compagni in carcere sepolti, come un vecchio discende il fascismo, su chi ha la vita ad ogni gioventù. E non sentite le grida sulla barricata, la classe operaia